promis des jours sans ennui et des lendemains tranquilles. Ils nous ont pris pour de sombres imbéciles. Comme une funambule suspendue dans ma bulle, tandis que ma vie défile. Je somnambule en suivant le même fil. Je suis tout ce que je fuis. Mes rêves interdits me font mal. Interdit.